Chapitre 30e. Voyage à New York, rivière de Delaware, diligence, ville de New York, théâtre, institut collégial pour les jeunes demoiselles, jardin public, église, canal de Maurice, voiture. Enfin, en dépit de la marche nécessairement lente des consultations et des arrangements qu'il faut communiquer d'une rive de l'Atlantique à l'autre, nos plans furent définitivement arrêtés. Le printemps suivant devait nous montrer New York, et le commencement de l'été nous reconduire en Angleterre. Dès que la lettre qui le décidait fut arrivée, nous commençâmes nos préparatifs de départ. Nous fîmes notre dernier voyage sur le Potomac, nous dîmes adieu à la Virginie, et nous donnâmes une dernière journée à quelques-uns de nos bons amis à Washington. Le printemps, quoique marchant d'un pas lent et tardif, était suffisamment avancé pour rendre le voyage agréable, et quoique la route de Washington à Baltimore fût moins brillante en feuillage que lorsque je l'avais vue pour la première fois, elle était encore d'une grande beauté. À Baltimore, nous nous embarquâmes de nouveau sur un bâtiment à vapeur d'une dimension gigantesque, et nous arrivâmes à Philadelphie au milieu de la nuit. Là, nous changeâmes de navire, et avant de partir le lendemain matin, nous jetâmes un dernier regard sur les portiques doriques et corinthiens des deux temples célèbres consacrés à Mammon. Le Delaware, en sortant de Philadelphie, coule encore sur un terrain trop uni pour prêter de la beauté à ses rives, mais il devient intéressant par la foule de maisons de campagne qui, sans avoir toute l'élégance des charmantes villas qui ornent les bords de la Tamise, flattent néanmoins les yeux, tandis qu'on flotte rapidement sur la rivière argentée qui arrose leur pelouse de verdure. Elle offre une scène de richesse et de jouissance qui s'accorde parfaitement avec la noble cité dont elles dépendent. Une d'entre elles fixa notre attention, non seulement parce qu'elle était d'une grandeur et d'une beauté plus qu'ordinaire, mais parce que le monument, qui indiquait le lieu de repos des membres de la famille qui avaient disparu du monde, s'élevait avec la sombre splendeur du marbre noir et blanc précisément en face de la porte d'entrée. En Virginie et dans le Maryland, nous avions remarqué que presque chaque maison de campagne avait son petit cimetière, ombragé par des cyprès et des locustes, mais cette habitation des morts si bien décorée semblait plutôt un ornement mélancolique des jardins. Nous eûmes en vue assez longtemps la demeure de Joseph Bonaparte, située sur la rive du New Jersey, au milieu d'une vaste étendue de terrain dont il est propriétaire. L'ex-monarque y a fait bâtir plusieurs maisons qui sont occupées par des Français. Le pays est très plat, mais on a élevé de deux côtés une terrasse qui donne une vue étendue du Delaware. Au point où cette terrasse forme un angle droit, on a construit une chapelle fort élevée qui ressemble beaucoup à un observatoire. J'admirais l'adresse avec laquelle le prince catholique a su satisfaire tout à la fois ses sentiments religieux et son goût pour une belle vue terrestre. La plus haute partie de ce bâtiment, de quelque côté qu'on le voit, offre l'apparence d'une croix immense. La partie transversale étant formée par la saillie d'un grand balcon qui entoure une tour. Un quaker de Philadelphie s'écria en regardant cette maison « Nous voyons ici un monument de royauté renversé. N'est-il pas bien étrange que des rois détrônés cherchent et trouvent leur plus forte citadelle dans une république ?» Il y avait plus de philosophie que de mépris dans son accent, et sa physionomie était le symbole de la bienveillance et de la bonté. Mais j'entendis d'autres personnes faire des plaisanteries d'un genre tout différent, sur le plaisir que doit goûter un prétendu roi, en pouvant compter que sa tête ne fera pas divorce avec ses épaules. À Trenton, capitale de New Jersey, nous quittâmes le bâtiment commode qui avait glissé si doucement sur la surface de l'eau pour monter dans la plus détestable diligence qu'ait jamais pu fabriquer un chrétien pour disloquer les membres de son prochain. 10 de ces instruments de torture furent remplis de passagers qui avaient fait avec nous le voyage par eau. Le changement de mouvement que nous éprouvions n'était pas plus remarquable que celui qui s'opéra sur la physionomie de nos compagnons. Des hommes qui s'étaient étendus sur un sofa ou dandinés sur une chaise pendant tout le chemin depuis Philadelphie, avec le sentiment intime des moyens de séduction que leur donnaient leurs corsets baleinés et leurs cravates bien raides, qui, tout en perçant d'un trait mortel les beautés téméraires qui se hasardaient à les regarder, ne semblaient qu'une panoplie de baleines destinées à protéger ceux qui les portaient. Ces charmants jeunes gens, si bien défendus au dehors, si contents d'eux-mêmes intérieurement, froissés maintenant par leur armure, semblaient des victimes étendues sur la roue plutôt que des petits maîtres armés pour faire des conquêtes. Leur baleine semblait leur entrer dans l'âme, et toute leur figure avait un air d'humeur et de souffrance. Les belles dames aussi, qui, avec leurs immenses chapeaux, auraient pu remplir chacune la place destinée pour trois. Combien elles étaient changées! Je croyais presque qu'elles étaient de la race d'ondine, et qu'elles ne pouvaient sourire que lorsqu'elles entendaient le bruit du rejaillissement de l'eau. Comme je regardais les tristes figures de mes compagnes, j'étais tenté de leur demander « Ai-je l'air d'aussi mauvaise humeur que vous ?» Je crois pourtant que je le paraissais encore davantage, s'il est possible, car toute ma philosophie ne pouvait résister à de si mauvaises routes et à une voiture semblable. Enfin, nous arrivâmes en vie à bord du bâtiment sur lequel nous devions descendre le Raraton jusqu'à New York. Nous avions dessein de nous étendre sur un lit, par égard pour nos os disloqués, en entrant dans le bâtiment à vapeur. Mais la vue d'une table bien servie nous fit donner la préférence au dîner. Dans le fait, c'eût été une honte et un péché de fermer les yeux à la scène qui s'offrit bientôt à nous. Je n'ai jamais vu la baie de Naples, et par conséquent je ne puis faire de comparaison. Mais mon imagination ne saurait concevoir rien de plus beau en ce genre que le Havre de New York. Les objets qui s'offrent à la vue de tous côtés sont aussi beaux que variés. Mais en les désignant, on ne ferait qu'écrire une nomenclature de mots, sans donner la plus légère idée de cette scène. Je doute même que le pinceau de Turner pût y rendre justice, et la peindre avec la gloire et l'éclat qu'elle présentait à nos yeux. Nous semblions entrer dans le Havre de New York sur des flots d'or liquide, et comme nous passions rapidement devant les îles couvertes de verdure qui s'élèvent de leurs seins, comme des sentinelles gardant cette belle cité, lançaient à chaque instant ces rayons horizontaux de plus en plus loin, comme pour nous montrer quelques nouveaux points du brillant paysage. Dans le fait, New York nous parut, même quand nous la vîmes sous un jour moins brillant, une belle et noble ville. Après avoir si longtemps voyagé à travers des forêts à demi abattues, nous la trouvâmes peut-être plus belle, plus splendide et plus policée qu'elle ne nous l'aurait paru si nous étions arrivés en droite ligne de Londres. Mais même en ayant égard à cette circonstance, je dois encore déclarer que je regarde New York comme une des plus belles villes que j'ai jamais vues, et comme aussi supérieure à toutes les autres villes de l'Union, sans en excepter Philadelphie, que Londres l'est à Liverpool ou Paris à Rouen. Nul autre lieu ne jouit peut-être des mêmes avantages de situation. Placée sur une île qu'elle couvrira, je crois, un jour tout entière, elle s'élève, comme Venise, du sein de la mer, et comme cette reine des cités, dans les temps de sa gloire, elle reçoit le tribut de toutes les richesses de la terre. La pointe méridionale de l'île de Manhattan divise les eaux du Havre en deux rivières, l'une au nord, l'autre à l'orient. Sur cette pointe s'élève la ville de New York, allant d'une rivière à l'autre et s'étendant à 3 ou 4 milles vers le nord. Je crois qu'elle couvre presque autant de terrain que Paris, mais elle est beaucoup moins peuplée. L'extrême pointe est fortifiée du côté de la mer par une batterie et forme un admirable point de défense. Mais dans ce temps de paix, elle est changée en promenade publique et je crois que nulle ville ne peut se vanter d'en posséder une plus belle. Là commence le splendide Broadway, comme on appelle la belle avenue qui traverse toute la ville. Cette superbe rue ne le cède à aucune du monde pour la longueur et la largeur, pour la beauté des boutiques, la commodité des trottoirs et l'élégance des promeneurs. On n'y trouve pas la foule brillante des équipages de Bond Street, ni les façades imposantes des palais de Regent Street, mais elle est magnifique par son étendue et ornée de plusieurs beaux édifices dont quelques-uns sont entourés d'arbres et de gazons. Le parc, dans lequel s'élève le noble hôtel de ville, est une très belle place. Je n'ai jamais trouvé que la description la plus graphique d'une ville pût faire naître en moi la sensation d'y être réellement. Et si d'autres ont le pouvoir de présenter aux yeux de l'imagination des églises, des places et de longues vues, je suis sûr que je ne le possède pas. Je n'essaierai donc point de faire une description détaillée de cette grande métropole du Nouveau Monde. Mais je dirai seulement que pendant les 7 semaines que nous y passâmes, nous trouvâmes toujours quelque chose de nouveau à voir et à admirer. Et si elle n'était pas si éloignée de toutes les choses du Vieux Monde, dont le cœur d'un Européen ne peut se détacher, je dirais que je n'ai jamais vu une ville qui offrit une résidence plus désirable. Les maisons des classes supérieures sont extrêmement belles, et l'ameublement en est très riche. La soie et le satin y sont employés pour les rideaux aussi souvent et plus souvent que l'indienne. Les glaces sont aussi belles qu'à Londres, les chiffonnières, les tablettes de cheminée et les tables de marbre sont aussi élégantes. Et l'on y trouve en outre des ornements du meilleur goût en porcelaine de France et en or moulu en beaucoup plus grande quantité parce qu'ils coûtent moins cher. Il n'y a point jusqu'aux marches et aux portes qui n'y soient extrêmement soignées. Presque toutes les maisons ont à l'extérieur des jalousies peintes en vert. Les balcons ne sont pas un ornement très général, et les fenêtres n'ont pas autant de fleurs que celles de Paris et de Londres. Mais j'ai vu beaucoup d'appartements décorés intérieurement exactement comme ceux d'une petite maîtresse d'Europe. Des jardinières remplies de fleurs, des portefeuilles, des bustes, des bronzes, des camées, des vases d'albâtre, des recueils de poésie légère reliés en soie, une foule d'élégantes bagatelles, en un mot, tous les jolis riens d'un salon y sont épars avec la même profusion et la même négligence étudiée que chez nous. Hudson Square et ses environs sont, je crois, la partie de la ville la plus à la mode. Cette place est très belle, parfaitement plantée en arbres de toute espèce. Et si l'on coupait le gazon plus souvent et avec plus de soin, elle ne serait surpassée par aucune de celles de Londres. La grille de fer qui l'entoure est aussi belle que celle des Tuileries. Et l'on se fera une idée des soins qu'on a pris pour la décorer quand on saura qu'on a fait venir de Boston, par des barques, du sable pour les allées, non comme lest, mais comme cargaison. Le grand défaut des maisons est leur extrême uniformité. Quand vous en avez vu une, vous les avez vues toutes. La distribution des appartements n'est pas tout à fait de mon goût. Dans presque toutes les maisons, la salle à manger et les salons sont sur le même étage, et ne sont séparés que par de grandes portes à deux battants. Quand elles sont ouvertes, cela fait certainement une belle suite d'appartements. Mais nulle porte ne peut être une barrière suffisante entre une salle à manger et un salon. Cependant, il est rare qu'un dîner offre une compagnie mélangée d'hommes et de femmes, ce qui est un grand défaut de la société, puisque cette coutume non seulement prive les deux sexes du mode de réunion le plus agréable et le plus hospitalier, mais conduit à de fréquents dîners d'hommes, ce qui n'est pas le moyen d'arriver à une haute civilisation. Les assemblées du soir, à moins qu'elles n'aient lieu expressément pour les jeunes gens, sont principalement consacrées à la conversation. La saison était trop avancée pour nous trouver à de grandes réunions, mais nous en vîmes assez pour nous convaincre qu'on peut trouver à New York une société qui paraîtrait extrêmement agréable en quelque pays que ce soit. On a rarement recours aux cartes, et par suite du manque d'artistes de profession, la musique, à ce que je crois, n'est pas généralement aussi bonne que celle qu'on entend dans les concerts de sociétés de Londres. Les Américains n'ont certainement pas le même besoin d'être amusés que d'autres peuples. Ils n'en sont peut-être que plus sages, mais ils en sont moins aimables aux yeux d'un étranger. Il y a trois théâtres à New York, et nous les vîmes tous trois. Le théâtre du Parc est le seul qui ait reçu la sanction de la mode. Cependant, celui de Bowery lui est infiniment supérieur en beauté. Il est parfait quant aux dimensions et aux proportions de la salle. Il est élégamment orné. Les décorations et les machines valent toutes celles de Londres, mais il n'a pas la vogue. Celui de Chatham est tellement condamné par le bon ton qu'il faut quelque courage pour se décider à y aller. Et je ne crois pas que ma curiosité eût été si loin si je n'eusse vu annoncer la tragédie de Rienzi de Miss Milford. C'était la première occasion que j'avais de la voir représentée, et quoique assez mal jouée, elle me fit le plus grand plaisir. Il fallait que l'intérêt que j'y prenais fût bien fort, car jusqu'au moment où la toile tomba, je ne fis pas attention au quart des choses étranges qui m'entouraient. Je vis alors au premier rang d'une première loge une dame remplissant la fonction la plus maternelle possible. J'aperçus plusieurs hommes qui avaient ôté leur habit, et je remarquai un laisser-aller général qui me choqua plus que je ne puis dire. Je revis au théâtre du Parc le Rossius américain, M. Forrest. Il jouait le rôle de Damon, et il hurla, à ce qu'il me parut, d'un ton qui n'avait rien de celui du Rossignol. Je ne puis admirer cet acteur célèbre. Un autre soir, nous y vîmes Cendrillon. Mrs. Austin était la prima donna, et elle fut fort applaudie. La pièce était très bien montée, et en cette occasion nous vîmes le théâtre du Parc sous son jour le plus avantageux. Nous y remarquâmes pourtant bien des joues sur lesquelles le rasoir n'avait point passé, et souillées par la teinte odieuse de l'abominable tabac, et nous entendîmes cracher sans discontinuation ce qui en est la suite nécessaire. Quand leur théâtre aurait l'orchestre de Phédo et des chœurs composés d'anges, je ne pourrai y goûter que peu de plaisir, tant que leur musique aura cet accompagnement de basse continue. Tandis que nous étions à New York, on me fit voir le prospectus d'une pension à la mode. J'en fis un extrait comme échantillon du vaste plan d'instruction proposé pour les jeunes personnes. Institut collégial de Brooklyn pour les jeunes demoiselles, sur les hauteurs de Brooklyn en face de la cité de New York, petit collège, 6e classe. Grammaire latine, Liber Primus, le lecteur latin de Jacob, première partie, géographie moderne, arithmétique intellectuelle et pratique, grammaire d'élocution du docteur Barbour, écriture, orthographe, composition, musique vocale. 5e classe. Le lecteur latin de Jacob, seconde partie, antiquité romaine, Salluste, introduction de Clark à l'art de faire du latin, géographie ancienne et sacrée, études poétiques, cours traité de rhétorique, carte de géographie, composition, orthographe, musique vocale. 4e classe. Les commentaires de César. Les 5 premiers livres de l'Énéide de Virgile. Watts sur l'esprit. Géographie politique. Le grand ouvrage de Woodbridge. Histoire naturelle. Traité des globes. Histoire ancienne. Fin des études poétiques. Grammaire anglaise. Composition. Orthographe. Musique vocale. Grand collège. 3e classe. La fin de Virgile. Discours choisi de Cicéron. Histoire moderne. Géométrie, philosophie morale, lecture critique des contes de Young, cours de perspective, rhétorique, logique, composition, musique vocale. Seconde classe. Tite Live, Horace, les Odes, théologie naturelle, abrégé d'histoire ecclésiastique, biographie des femmes, algèbre, philosophie naturelle, mécanique, hydrostatique, pneumatique, acoustique, philosophie intellectuelle, preuve du christianisme, composition, musique vocale. Première classe. Fin d'Horace. Tacite, philosophie naturelle, électricité, optique, magnétisme, galvanisme, astronomie, chimie, minéralogie, géologie, compendium d'économie politique, composition, musique vocale. Le français, l'espagnol, l'italien, le grec peuvent s'apprendre, si on le désire, dans toutes les classes. La bourse est fort belle et tient à peu près le milieu entre la sombre lourdeur qui pèse sur nos commerçants de Londres et l'élégance noble et légère qui orne la bourse de Paris. Les églises sont simples mais très propres et elles sont entretenues dans le meilleur état de réparation tant au dedans qu'à l'extérieur. Mais je n'en ai jamais vu aucune qui eût la moindre prétention à la splendeur. La cathédrale de Baltimore forme la seule exception. À New York, comme ailleurs, on voit dans les églises, pendant le temps du service divin, de longues rangées de chapeaux français et de jolies figures, comme des planches de tulipes, aussi belles, aussi élégantes, aussi brillantes, rangées qui ne sont que rarement interrompues par les têtes nues de la population mâle. La proportion entre les deux sexes est à peu près la même que je l'ai déjà dit ailleurs. Je n'ai jamais vu que dans une seule occasion le revers de la médaille. Sur l'autre rive de la rivière du Nord, à environ 3 000 en la remontant, est un endroit nommé Hoboken. Un individu qui possédait une belle maison et un grand terrain jouissait aussi du droit de bac, et pour le rendre productif, il restreignait son jardin à quelques acres et fit du reste une promenade publique, plantée avec autant de simplicité que de goût. Une large ceinture de broussailles et d'arbustes à fleurs, offrant par intervalles de grands arbres forestiers, se prolonge pendant 2 000 de long sur une hauteur qui domine l'incomparable Hudson. Tantôt elle couvre les rochers jusqu'au bord de l'eau, tantôt elle laisse un rivage caillouteux, suffisant seulement pour résister aux petites vagues qui s'y brisent et pour produire une douce musique qui semble vouloir imiter le cœur bruyant de l'océan. À travers ce charmant petit bois, une large terrasse conduit à tous les points qui peuvent offrir une vue agréable. Des sentiers plus étroits et plus couverts en partent par intervalles, les uns en s'enfonçant dans l'ombre plus épaisse des bois, les autres descendant graduellement jusqu'aux jolies criques qui bordent la rivière. Le prix d'entrée de ce petit Éden n'est que les 6 centimes qu'on paye pour passer le bac. Nous y allâmes un beau dimanche après-midi. Plusieurs milliers de personnes étaient à s'y promener, et nous nous assurâmes, en comptant plusieurs fois, que les 19/20 étaient des hommes. Les femmes étaient à l'église. Je crois que je n'ai jamais été si fortement convaincu que le jour du sabbat, le saint jour, le seul jour pendant lequel la grande majorité du monde chrétien peut employer les heures comme bon lui semble, est mal passé si on le passe entièrement dans des murs de briques, à écouter un prédicateur né de la terre, quel que soit le charme, quelle que soit la sagesse de ses discours. Oh, comment peut-on renoncer à cette multitude infinie de charmes que la nature offre à ses adorateurs? Les bosquets retentissent du gazouillement des oiseaux, le ridage répétant le murmure des ondes, la pompe des bois, la parure des champs, tout ce que dort le rayon joyeux du matin, tous les chants du soir que répètent les échos, tout ce que contient le sein abrité de la montagne et toute la magnificence imposante du firmament, comment peut-on y renoncer et espérer son pardon? Comment se fait-il que les Américains, qui passent pour être bon mari et bon père, en jouissant eux-mêmes d'assez de liberté d'esprit pour se permettre de se promener dans le temple du Dieu vivant, puissent laisser les êtres qu'ils chérissent le mieux sur la terre chargés des fers du fanatisme le plus tyrannique? Comment peuvent-ils respirer un air embaumé et ne pas songer à l'atmosphère impure qui pèse si lourdement sur des êtres qui leur sont plus chers que la vie? Comment peuvent-ils voir les boutons que le printemps développe sans se rappeler les joues encore plus fleuries de leurs filles, se fanant à force de passer de longues heures, pendant la chaleur du jour, enfermés avec des centaines de victimes, à écouter les hurlements d'un prédicateur plein de vanité, canonisé par un synode de vieilles femmes? Ils ne peuvent croire que cela soit nécessaire au salut, sans quoi ils ne s'abstiendraient pas d'y aller eux-mêmes. Quelle en est donc la raison? Craignent-ils ces prêtres qui ne tiennent que d'eux-mêmes leur mission, et leur offrent-ils en sacrifice leurs femmes et leurs filles pour se les rendre propices? Ou s'imaginent-ils qu'ils jouiront pendant le reste de la semaine d'une liberté plus complète, parce que leurs femmes et leurs filles s'enferment 3 ou 4 fois chaque dimanche dans une église ou dans une chapelle? Il est vrai qu'à Hoboken, comme partout ailleurs, il y a des espèces de tabagie, et lorsqu'on passe après, il en sort une odeur de whisky et de tabac, qui affecte désagréablement les sens un instant, et il peut se faire qu'on ne puisse y entrer avec une femme ou une fille. Cependant, le propriétaire a réussi avec beaucoup de goût à empêcher que ces abominations n'aient rien de désagréable à l'œil. Un de ces lieux de repos, particulièrement, a tout à fait l'air d'un temple grec. Si l'on y buvait du vin au lieu de whisky, il pourrait être dédié à Bacchus. Mais à cet égard, comme sous beaucoup d'autres rapports, il y a une grande différence entre les républiques anciennes et les modernes. Après avoir passé un dimanche dans les églises et un autre dans les jardins d'Hoboken, il est impossible de ne pas sentir que les milliers d'hommes bien mis que vous voyez se livrer à leur goût dominant dans ce dernier endroit ont abandonné aux prêtres, du moins pour cette journée, les milliers de femmes bien parées que vous avez vues à l'église. Les Américains se vantent beaucoup de la supériorité de leurs principes de religion et de morale, mais cette division de loisirs ne m'en donne pas une idée très favorable. J'allais voir toutes les expositions de New York. Il faut que les Médicis de cette république fassent quelques efforts de plus pour les rendre seulement supportables. Le pire de l'affaire, c'est qu'à l'exception d'environ une demi-douzaine d'individus, les bons citoyens sont plus que contents, ils sont enchantés. Il ne sort des poumons de la République, je veux dire les journaux, que des accents d'éloge et de triomphe. Peu s'en faut qu'ils ne se pâment d'aise en parlant de leurs chefs-d'œuvre indigènes. On le croirait à peine si je citais les exemples qui me frappèrent les yeux, de l'ignorance profonde en peinture d'individus tenant le premier rang dans la société. S'il y a quelques idées libérales, quelques désirs de protéger les beaux-arts, il s'y joint une ignorance si complète qu'elle est presque inconcevable. Exprimer un doute sur l'excellence de leurs artistes, c'est agacer les nerfs des Américains. Et l'un d'eux me dit, avec beaucoup de civilité, qu'à l'époque actuelle, tout l'univers savait que la rivalité entre nos deux pays était terminée et qu'on pouvait naturellement s'attendre à voir un peu d'envie se mêler à la surprise qu'éprouvait la mère patrie en découvrant à quelle distance ses anciennes colonies la laissaient derrière elle. Je dois pourtant rendre justice au petit nombre d'artistes dont j'ai fait la connaissance et dire qu'ils sont beaucoup plus modestes dans leurs prétentions que leurs patrons. J'en ai entendu plusieurs avouer leur ignorance quant au dessin et la déplorer, et j'ai souvent remarqué qu'ils appréciaient le mérite des artistes européens, quoiqu'ils ne les connussent peut-être que par des gravures, et qu'ils montraient une déférence à leur autorité qui prouvait qu'ils avaient le sentiment intime de leur art. Dans le fait, je crois que les Américains ont des dispositions remarquables pour la peinture, mais il faut qu'ils se fraient un chemin à travers les ténèbres d'une nuit profonde. Quand une académie est établie, son premier soin est de suspendre au mur de la salle d'exposition toutes les croûtes qui lui sont offertes. Il n'y a point d'atelier où l'on peigne d'après le modèle. On ne soumet à aucune discipline le mode des études. Des enfants qui ne connaissent pas plus les formes humaines que les yeux, la bouche et le nez de la lune se mettent à peindre des portraits. Si quelques-uns d'entre eux voulaient laisser de côté leur palette pendant un an, s'ils suivaient des cours d'anatomie, s'ils étudiaient ailleurs que dans les livres le jeu des muscles et des jointures, les expositions des tableaux en Amérique cesseraient bientôt d'être au-dessous de la critique. La plus intéressante collection de tableaux qui fut ouverte au public quand j'étais en Amérique est sans contredit celle du colonel Trumbold. Mais comment les patriotes américains peuvent-ils souffrir que cette collection, vraiment nationale, reste stérile entre les mains de l'artiste? C'est ce qu'il n'est pas facile de comprendre. Un grand nombre de ses esquisses sont de main de maître, mais, comme son illustre compatriote West, ses esquisses sont ses chefs-d'œuvre. Je ne puis me figurer rien de plus parfait que l'intérieur des établissements publics de New York. On trouve dans toutes les dispositions intérieures un bon sens pratique qui doit frapper fortement les étrangers. L'asile pour les infortunés sans ressources offre un modèle digne d'être imité. Il est consacré à la réforme des jeunes condamnés des deux sexes, et il est aussi admirable dans les détails de son administration que dans son objet. Chaque partie de cette institution est on ne peut plus intéressante, mais il y a une différence remarquable entre les garçons et les filles. Les premiers forment, je crois, le plus beau rassemblement de jeunes gens de cet âge que j'ai jamais vu. Ils sont gais, actifs, éveillés et pleins d'intelligence. Mais les filles offrent un aspect tout contraire. Elles sont lourdes, nonchalantes, indifférentes à tout et mélancoliques. En causant avec le surintendant général de cet établissement, je lui fis cette remarque. Et il me dit que la réalité répondait aux apparences. Tous avaient été pris en flagrant délit. Mais les garçons, une fois à l'abri de l'influence pernicieuse qui les avait portés à faire un usage criminel de leurs moyens, étaient comme le ressort qui reprend son élasticité quand il n'est plus soumis à la pression. Et ne se trouvant plus exposés au danger et à la honte, l'espoir et l'enjouement animaient leur physionomie. Les pauvres filles, au contraire, osaient à peine lever les yeux. Les deux sexes sont aussi différents que le chêne et le lys après un orage. Le premier, quand le vent vient à souffler, secoue les gouttes de pluie attachées à sa chevelure et n'en paraît ensuite que plus brillant. Mais le lys, quand sa robe de soie est une fois souillée, se dérobe aux yeux, se courbe vers la terre et ne se relève plus. Nous passâmes une journée délicieuse dans le New Jersey à visiter, avec une société fort agréable, les plans inclinés qui ont été employés au lieu d'écluses sur le canal de Maurice. C'est un ouvrage très intéressant, et c'est une des mille preuves qui démontrent que les Américains sont le peuple le plus entreprenant du monde. On m'informa que ce canal important, qui joint le Hudson au Delaware, à 100 000 de longueur, et dans cette distance, la différence de niveau s'élève jusqu'à 1600 pieds, dont 1400 sont surmontés par le moyen de plans inclinés. Ces plans, l'un dans l'autre, ont environ 60 pieds perpendiculaires et peuvent porter environ 40 tonneaux. Le temps qu'on emploie à les passer est de 12 minutes pour 100 pieds perpendiculaires. La dépense ne monte pas au tiers de ce que coûteraient des écluses. Si nous nous mettions à creuser de nouveaux canaux, celui-ci peut mériter de fixer l'attention. Ce canal de Maurice est certainement un ouvrage extraordinaire. Non seulement il offre dans son niveau une différence de 1600 pieds, mais dans un endroit il coule le long d'une montagne à 30 pieds plus haut que les toits des édifices les plus élevés de la ville de Patterson, qui est au pied, et dans un autre, il traverse la chute d'eau du Passaic dans un aqueduc de pierre, 60 pieds au-dessus des eaux de la rivière. Ce bel ouvrage doit en grande partie son existence à l'énergie patriotique et savante de M. Cadwalder Colden. Il n'y a rien dans le caractère des Américains qui commande autant le respect que la hardiesse et l'énergie qu'ils montrent à entreprendre et à exécuter des travaux publics. Rien ne les arrête s'ils peuvent justement espérer un résultat favorable. C'est ce qui fait que des villes se sont élevées au milieu des forêts avec une rapidité si inconcevable, et s'ils pouvaient être une fois parfaitement convaincus que sur un point donné de l'océan il se trouve un trésor de dollars, je n'ai pas le moindre doute que dans environ 18 mois, nous verrions creuser sous l'eau un pont pour nous y conduire. On m'a dit à New York que dans plusieurs parties de cet État, il est d'usage de payer les services des ministres presbytériens de la manière suivante. Une fois par an, on fixe un jour où l'un des membres de chaque famille, composant une congrégation, se rend chez le ministre dans l'après-midi. Chacun apporte une offrande proportionnée à ses moyens et consistant en objets nécessaires à l'existence. Les plus pauvres déposent leur contribution dans un grand panier qui est placé à cet effet près de la porte. Les dons plus importants et plus propres à faire honneur à la piété du donateur sont portés dans la chambre où la compagnie se réunit. Du sucre, du café, du thé, du fromage, des barils de farine, des pièces de toile d'Irlande, des ustensiles de porcelaine et de verre sont, m'a-t-on dit, du nombre des objets qui font ordinairement partie de ces offrandes. Lorsque toute la société est réunie et que la besogne de donner et de recevoir est terminée, on sert à la ronde du thé, du café et des gâteaux. Mais il n'en résulte ni embarras ni dépenses pour le ministre. Ce sont des dames choisies parmi la congrégation qui font tous les frais de cette collation. Une autre coutume de New York, qui ne paraît pas avoir une cause si raisonnable, est de changer de maison une fois par an. Le 1er mai de chaque année, New York a l'air de vomir une population fuyant la peste ou ressemble à une ville qui a capitulé à condition que chaque citoyen pourrait en sortir avec tout ce qui lui appartient. Les meubles les plus riches et le mobilier le plus misérable, des paquets encordés, emballés, empaillés, des chariots, des charrets, des tombereaux, des porteurs et des conducteurs à teint blanc, jaune ou noir remplissent toutes les rues, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi. Tous ceux à qui je parlais de cette coutume se plaignirent des inconvénients qui en résultaient, mais tous m'assurèrent qu'elle était inévitable si l'on demeure dans une maison louée. Plusieurs de mes amis de New York ont acheté ou fait bâtir une maison uniquement pour éviter cet inconvénient annuel. Il y a un grand nombre de nègres à New York, mais tous sont libres, leur émancipation ayant été terminée en 1827. Même à Philadelphie, où l'opinion contre l'esclavage a été la plus active et la plus violente, les nègres ne paraissent pas avoir pris autant d'ascendant qu'à New York. Ils ont plusieurs chapelles dans lesquelles des ministres nègres officient, et un théâtre où il n'y a que des acteurs nègres. À ce théâtre, il y a une galerie destinée aux blancs qui peuvent avoir envie d'y aller, et ce n'est que là qu'ils peuvent se placer, suivant en cela, avec une stricte étiquette et avec une égale justice, l'arrangement des théâtres des Blancs, qui ont tous une galerie à l'usage exclusif des nègres. J'ai souvent, surtout le dimanche, rencontré des groupes de nègres élégamment vêtus, et je me suis quelquefois amusé en remarquant dans les hommes, quand ils accompagnaient leurs belles, un air de galanterie fort supérieur à celui des Blancs en même occasion. Nous rencontrâmes une fois dans la rue de Broadway une jeune négresse mise à la dernière mode et accompagnée d'un galant noir, dont la toilette était également soignée. Lorgnette, chaîne de sûreté pour la montre, rien n'avait été oublié. Il marchait à côté de sa divinité noire, la tête nue, et avec l'air du plus tendre dévouement. À la fenêtre d'une belle maison devant laquelle il passait, était une jeune personne blanche, très jolie. Deux hommes étaient à côté d'elle, mais hélas, tous deux avaient leur chapeau sur la tête, et l'un avait une pipe à la bouche. Sans la manière particulière de marcher, qui faire connaître toutes les Américaines, on pourrait prendre Broadway pour une rue française, où il serait à la mode que les élégantes se promenassent. Leur costume est entièrement français. Rien de ce qui compose leur mise, à l'exception peut-être des bas de coton, ne doit être anglais, à peine d'être montré au doigt comme rebelle à la mode. Tout ce qui est anglais est décidément de mauvais ton. Étoffes anglaises, modes anglaises, accent anglais, tournure anglaise, c'est autant de termes de reproche. Et dire qu'une malheureuse femme a l'air d'une Anglaise, c'est la plus cruelle satire à laquelle elle puisse être exposée. Je me souviens d'avoir été en France presque immédiatement après l'invasion la plus hostile de son territoire qu'on puisse s'imaginer. Cependant, en dépit des sentiments que tant d'années d'une longue guerre devaient avoir fait naître, la mode était d'admirer tout ce qui était anglais. Je suppose que les querelles de famille sont plus difficiles à arranger, car 15 ans de paix n'ont pas suffi pour calmer le courroux du frère Jonathan contre le pays de ses pères, qu'il déteste cordialement. Il est à peine nécessaire de dire que l'aménité la plus aimable distingue l'accueil que fait aux étrangers la classe patricienne en Amérique. Un gentleman, dans le sens que nous attachons à ce mot, est le même partout, et un gentleman américain et sa famille savent faire les honneurs de leur pays aux étrangers de toutes les nations, aussi bien qu'aucun peuple de la terre. Mais cette classe, quoiqu'elle existe sans doute, est très peu nombreuse, et par conséquent, on ne peut à juste titre la citer comme échantillon. La plupart des maisons à New York sont peintes à l'extérieur, mais avec le plus grand soin de ne pas défigurer les matériaux qu'on veut conserver. On se sert beaucoup à présent d'une belle pierre nommée pierre de taille de Jersey. Elle est d'un beau brun et contribue à l'ornement de la ville. On emploie aussi un granit gris d'une grande beauté. Les trottoirs dans la plupart des rues sont extrêmement commodes, étant pavés en grandes dalles, ce qui est de beaucoup supérieur aux briques de Philadelphie. Le soir, les boutiques restent ouvertes fort tard, sont brillamment éclairées par le moyen du gaz, et toute la population semble aussi active qu'à Londres et à Paris. Cela ne rend que plus remarquable le silence solennel des heures de la soirée à Philadelphie. Il y a quelques arbres dans différentes parties de la ville, et j'en vis de jeunes, récemment plantés, qui étaient protégés avec beaucoup de soin. Il serait fort agréable qu'il y en eût un plus grand nombre, car la lumière réfléchie d'un été brûlant rend la chaleur insupportable pendant le jour. La glace s'y trouve en grande abondance. Je ne crois pas qu'il y ait dans la ville une seule maison où l'on ne se permette le luxe d'un morceau de glace pour rafraîchir l'eau et pour endurcir le beurre. Les fiacres sont les meilleurs du monde, mais horriblement chers, et il est nécessaire que vous soyez sur le qui-vive pour faire marcher avec le cocher, sans quoi il a le pouvoir de vous faire payer immodérément. La première fois que j'en pris un, je négligeais cette précaution, et le cocher me demanda 2,5 $ pour une course de 20 minutes. Quand j'en parlai au garçon de l'hôtel, il me demanda si j'avais fait marcher avec lui. « Non, lui dis-je. » « En ce cas, reprit-il avec leur air ordinaire de triomphe, je crois que le Yankee a été trop fin pour vous. » Les voitures particulières de New York sont beaucoup plus belles et mieux conditionnées que je n'en ai vu ailleurs. Le manque de livrées élégantes nuit beaucoup à leur effet, mais au total, un équipage d'été de New York, avec les charmantes femmes et les jolis enfants qu'il contient, figure parfaitement bien dans Broadway et ne serait déplacé nulle part. Le luxe de l'aristocratie de New York ne se renferme pas exclusivement dans la ville. À peine existe-t-il un acre de terre dans toute l'île de Manhattan qui n'offre une jolie villa ou quelques maisons imposantes. Les plus remarquables sont sur les bords des rivières du Nord et de l'Orient, dont les eaux mouillent leur pelouse de verdure. Celle qui m'a surtout frappé est située dans le beau village de Bloomingdale. Là, dans l'espace de 16 acres, on trouve toutes les variétés d'aspects que peut offrir un jardin. Ce serait en vain que j'essaierais de décrire la diversité qu'il offre de collines et de vallées, de bois et de pelouses de gazon, de rochers et de rivières qui s'y trouvent réunis. Et je ne puis en donner une idée par comparaison, car je n'ai jamais rien vu qui y ressemble. Je ne sais jusqu'à quel point l'hospitalité distinguée qui règne peut avoir influé sur mes impressions, mais certainement il n'est pas d'endroit qui m'ait laissé des souvenirs plus agréables, et je ne me suis jamais trouvé dans un cercle qui fût de nature à causer plus de plaisir en y entrant et plus de regret en le quittant que celui que je rencontrais à Woodlawn.